Tu mérites d'être loin de leur bande, pas d'être encerclé par les loups. Si je le pouvais, je ferais descendre l'étoile qui guidera notre route. Que ce soit dans les airs ou collé au sol, à 250 sur l'autoroute, ils vont se perdre derrière nous, laissons-les loin derrière nous. Tu mérites d'être loin de leur bande, pas d'être encerclé par les loups. Si je le pouvais, je ferais descendre l'étoile qui guidera notre route. Que ce soit dans les airs ou collé au sol, à 250 sur l'autoroute, ils vont se perdre derrière nous, laissons-les loin derrière nous. Fais des affaires en classe, affaires en soir, crédit, crédit. Dis rien à son père, faut pas que la terre sache qu'on se fait ski, fait ski. J'entends tes copines te demander ton gars c'est qui, ton sac est joli, joli. Dis-nous c'est qui, non, non, bébé, ces femmes-là ne sont pas gentilles, gentilles. Elles attendent seulement qu'on glisse pour dire je te l'avais dit. Elles sont remplies de faux sourires, c'est du se vie, faut les éviter. Garde à l'esprit, tout le monde ne sera pas d'accord de te voir épanoui. On n'est jamais assez fort et la jalousie devient très souvent la haine et c'est de pire en pire si tu restes à côté. Tu mérites d'être loin de leur bande, pas d'être encerclé par les loups. Si je le pouvais, je ferais descendre l'étoile qui guidera notre route. Que ce soit dans les airs ou voler au sol, à 250 sur l'autoroute, ils vont se perdre derrière nous, laissons-les loin derrière nous. Tu mérites d'être loin de leur bande, pas d'être encerclé par les loups. Si je le pouvais, je ferais descendre l'étoile qui guidera notre route. Que ce soit dans les airs ou voler au sol, à 260 sur l'autoroute, ils vont se perdre derrière nous, laissons-les loin derrière nous. ACDG, je prends nos billets, choisis le pays, pays. Partir longtemps, revenir quand elles auront vieilli, vieilli. Faut te saisir, chérie, t'es beaucoup trop naïve, naïve. Celles que t'appelles copine, copine, veulent seulement te copier, copier. Elles vont tenter de faire croire que vous êtes amis, amis. Mais c'est ta vie qu'elles veulent avoir, pas que tes habits, habits. Et c'est toujours dans l'espoir que tu s'églis, s'églis. Perds pas plus de temps, on se casse ici, si t'es ready, ready. Garde à l'esprit, tout le monde ne sera pas d'accord de te voir épanoui. On n'est jamais assez fort et la jalousie devient très souvent de la haine et c'est de pire en pire si tu restes à côté. Tu mérites d'être loin de leur bande, pas d'être encerclé par les loups. Si je le pouvais, je ferais descendre l'étoile qui guidera notre route. Que ce soit dans les airs ou voler au sol, à 260 sur l'autoroute, ils vont se perdre derrière nous, laissons-les loin derrière nous. Tu mérites d'être loin de leur bande, pas d'être encerclé par les loups. Si je le pouvais, je ferais descendre l'étoile qui guidera notre route. Que ce soit dans les airs ou voler au sol, à 260 sur l'autoroute, ils vont se perdre derrière nous, laissons-les loin derrière nous. Je t'emmène quelque part, loin, loin de tous ces gens qui parlent. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Tu n'as qu'à sourire, sourire à leur santé. Je t'emmène quelque part, loin, loin de tous ces gens qui parlent. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Tu